Dossier 7. Deuxième partie. Piratage sur Internet. La voiture des Lemoine arrive sur la place du village. Bernard et Corinne en descendent. François se dirige vers eux. Alors, les voyageurs, c'était beau ? Superbe. La prochaine fois, on vous y emmène. Oh, vous savez, depuis que je suis veuf, j'ai de moins en moins envie de bouger. Bon, Bernard, je t'attendais. Dis, surfer sur le net, c'est une chose, mais créer un site pour la pépinière, c'est pas facile. Tu as un moment, je vais te montrer. Au café, Bernard est installé devant un ordinateur. François est à côté de lui. Vas-y, clique ici. Tu vois ? C'est assez simple. Je te dirai ça quand je me serai retrouvé seul devant l'écran. Et alors pour mon site, qu'est-ce que je fais ? Il faut un logiciel spécial. Quand tu l'auras acheté, je te l'installerai. Et tu crois vraiment que ça me fera vendre 10 rosiers de plus, toutes ces histoires ? Certainement. Et puis, il faut vivre avec son temps. À propos, je ne le connais toujours pas, ton site. Tu peux me le montrer ? Bien sûr. Bernard fait quelques manipulations. Le site apparaît à l'écran. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une salade de tomates, 41 euros. Un steak au poivre vert, 68 euros. Une crème brûlée, 32 euros. Eh ben dis donc, avec ces prix-là, tu peux leur en donner des kilos à tes clients. Mais tu ne vas pas les garder longtemps. C'est si grave que ça ? Ah bah oui alors ! Ça veut dire que non seulement quelqu'un a eu mon code secret et qu'il a pénétré dans mon site, mais que cette personne donne de fausses informations sur mon restaurant. Tu peux changer de code. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais perdre des clients à cause de ces fausses informations, alors c'est autre chose.